Tu veux savoir ce que c'est le premier amour? Alors écoute. Yeah, first love. Ça commence par un petit sourire, puis si vitiminement de ta bouche un petit coucou. T'échanges des news, comment tu vas, ça va et toi? Tu te sens bien avec elle et elle bien avec toi. L'amour c'est simple, tu vois, donne lui une part de ton cœur et elle restera avec toi. C'est si simple à voir, t'as 20 ans et elle a un an de moins que toi. Elle te voit comme un prince, un clin d'œil, ouais elle en pense pour toi. De plus en plus de messages, des coucou, comment ça va toi? Bla bla bla, en gros tu lui manques quoi? Tu souris en répondant, heureux d'avoir trouvé une fille qui t'aime vraiment, elle est face à tes sales moments, toi et elle. Maman, j'ai une bonne nouvelle, je crois que je suis amoureux d'elle. Je vole comme une hirondelle, je ne peux plus être sans elle. Maman, j'ai une bonne nouvelle, je crois que je suis amoureux d'elle. Je vole comme une hirondelle, je ne peux plus être sans elle. Voilà, arrivé le premier rendez-vous, le first date, dans ton corps ça fait boum. T'essayes d'être cool, sécurité oblige, tu prends un kiss cool, rêvant de lui faire des kiss au cou. Tu répètes ton texte comme un voleur sur un gros coup. T'es le voleur de son cœur, tu penses à elle comme une âme sœur. Les yeux fixant sur les passants, attendant sur un banc. C'est pas la première fois que tu vas la voir, mais là c'est le grand soir. Ouais. Maman, j'ai une bonne nouvelle, je crois que je suis amoureux d'elle. Je vole comme une hirondelle, je ne peux plus être sans elle. Entre tes mains, fais bien ton jeu pour que tu lises dans ses yeux. C'est toi que je veux. T'énerve en la voyant arriver. Je vois déjà ses yeux briller. Ok, donc c'est à base de ça va. Ouais, toi, la partie est à toi. Tu dois être le roi et en faire ta reine. Pas de fausses promesses. C'est pas une traîtresse. Tu peux avoir confiance en elle. Sans gêne, tu peux lui dire je t'aime. Son cœur prendra flamme quand tes lèvres seront sur les siennes. Toi et elle. Célibataire qui attendent le grand amour et à tous les mecs qui l'attendent aussi parce qu'il en a.